vous plaisir de les bomber. Je sens les os de ta vie te quitter. What's killer? Je sens les sons de ta vie te quitter. What's killer?